La vie meurtrière, chapitre 2. Me voici donc à Paris. J'ai 18 ans, un passé dont le temps finira bien par effacer la hantise, du courage, peu de besoin et de l'estomac. Pourquoi l'avenir ne m'appartiendrait-il pas? Je vois sur ma table la photographie de l'être que j'étais à se lever de ma vie d'homme. Et, sous la toison de boucles brunes, jadis orgueil de ma mère, mais déjà bien assagi, je distingue un profil assez fin. Un front égal, un œil pâle, bien placé, mais sans éclat, sous des paupières maladives, un nez court et busqué, une lèvre supérieure proéminente, où pointent les prémices d'une moustache retardataire, une bouche aux lèvres épaisses, volontiers entr'ouvertes sur des dents assez belles, mais écartées, et, subitement, la fuite d'un tout petit menton raté, d'un mauvais petit menton de hasard, qui entache l'ensemble et le tare de sa défaillance. Muni d'une vingtaine de volumes et de quelques centaines de francs, j'avais dirigé mes pas vers les hauteurs du Panthéon et promptement déniché le logis propre à recevoir mes espérances et ma garde-robe. J'occupais en plein quartier latin la chambre banale de l'étudiant pauvre. 10 mètres d'un carrelage râpé, dont une carpette vagabonde masquait parfois les lacunes et la poussière. Un lit, 3 chaises au capiton là, une toilette sévère et une commode dont le marbre fendu servait de bibliothèque en constituait à la fois le luxe et l'indispensable. Devant la fenêtre, dont un océan de toit bleu remplissait l'ouverture, une table en bois blanc, vêtue d'un lambeau de vieux reps, fut érigée en cabinet de travail et vit à ce titre germer et se flétrir bien des projets. À droite, à gauche et de tous côtés, des pièces pareilles étaient habitées par des êtres pareils à moi. J'entendais à travers les cloisons le bruit répété de leurs existences identiques. Le soir, sous ma porte mal close, de grands raies de lumière filtraient au passage des bougeoirs. Nul commerce entre nous, chacun vivait sa vie à soi. À peine de ci de là un bonjour sur la porte, un pardon dans l'escalier. Quelquefois, à l'heure des rentrées tardives, des froufrous se mêlaient au bruit des pas dans le couloir. J'écoutais alors, ma curiosité suivait le couple, et lorsque la clé grinçait à côté, si près que je croyais l'entendre chez moi, j'avais d'irrésistibles distractions. Et le travail ou le sommeil me devenaient également difficiles. Le matin, je marchais une demi-heure sous les arbres du Luxembourg. Cela me permettait de digérer à l'aise un chocolat pris dans une crèmerie du voisinage. Puis j'allais à mes cours, où je piochais courageusement. À midi, je retournais à ma crèmerie. Pour quelques sous, on m'y donnait une côtelette passable et un dessert. Après, repromenade au Luxembourg et travaille en chambre jusqu'à la nuit. Le soir, la bibliothèque Sainte-Geneviève était mon refuge d'élection. J'en goûtais le silence, la lumière et cette bonne chaleur administrative dont mes tibias ont gardé l'attendrissement. Du feu pour moi tout seul est un luxe dont je n'ai tâté qu'assez tard. J'y trouvais aussi de bonnes chaises au cuir patiné et des lectures à l'infini. À la fermeture, je vaguais une heure le long des trottoirs, flânant aux terrasses et, selon mon humeur ou mes ressources, procédais à l'expédition de mes affaires de cœur. Je n'avais bien entendu pas de maîtresse. Toutes les raisons, y compris la raison même, me l'interdisaient. D'abord, sans être naïf, j'avais trop peu d'expérience pour être à mon aise avec les filles. Leur hardiesse m'effrayait, puis aussi la crainte salutaire de quelques possibles accidents. Enfin, promener des créatures voyantes sur le boulevard et amonceler des soucoupes en leur compagnie ne me procurait aucune joie. Je n'étais certes pas un ermite, mais les paroles d'amour émises par des lèvres qui fleuraient la cigarette du baiser d'autrui n'étaient pas des excitants décisifs à mes flammes. À les ouïr, mon bonheur se traînait et j'avais des lendemains pleins d'amertume à comparer l'actif de mes félicités aux déchets de mes illusions. Je préférais, si mes aspirations devenaient impérieuses, les confier aux soins de personnes stylées qui avaient les ongles nets et le sourire permanent. Là, dans des maisons discrètes, d'où il faisait clair et moelleux, j'évitais les déshabillages et les ablutions malséantes. D'un geste sûr de ma canne, je désignais toujours la personne la plus propice. Elle-même s'en montrait ravie et le prouvait par une exceptionnelle diligence. Mon délire était bref, mais hygiénique et soigné. En plus, on me disait merci et je partais encadré de politesse. À dire vrai, la femme ne me préoccupait guère. J'y pensais le moins possible et ne lui consacrais que les heures où vraiment je n'avais pas mieux. Or, chaque minute de mon temps avait un emploi dont j'étais jaloux. Je vivais de la sorte une petite existence à mon image, un peu grise, mais ordonnée et sans place pour l'imprévu. Je la vivais quotidiennement, aussi à l'aise dans mes habitudes que le bras dans sa manche. D'ailleurs, j'eus dès l'enfance, et je l'ai encore, une répulsion pour tout ce qui sent la bohème et le débraillé. Jamais je ne pus arborer un béret, ni me donner ces airs crâneurs et véhéments qui sont, paraît-il, un attribut de la 20e année. Je portais un melon, comme tout le monde, et ma cravate n'avait rien d'offensif. Quel que fût mon dénuement à certains jours, j'avais la satisfaction de penser qu'il n'y paraissait pas. La vertu, non plus que le spectacle de ses adeptes, n'eut jamais rien qui me séduisît. Je la trouve illusoire et eux sans beauté. Puis je conçois mal les morales qui veulent à toute force réglementer l'individu, dont valent toutes les manifestations. Mais, et ceci n'est pas hypocrisie, je tiens à ce que les formes extérieures soient sauvegardées et que rien au dehors ne transparaisse de ce qui se passe au-dedans. Le plaisir est chose strictement personnelle, sensible en profondeur, pour qui le tête-à-tête est un maximum. L'étaler au regard d'autrui en abolit vite le mirage. Et que devient un transport, à quoi participent des tiers? À ce titre, et plus encore que la vertu, j'exécrai la bagatelle. Les niaiseries sentimentales, roucoulades, couples penchés, promenades à Robinson et le reste ont toujours eu le don de me porter sur les nerfs. donner le spectacle de ses transes amoureuses ou raconter au café des aventures m'a toujours semblé chose particulièrement inharmonieuse et haïssable. Jeune, je fis l'amour, beaucoup. Plus tard, j'aimais. Quelle que fussent leurs violences, mes folies furent toujours internes, et je n'en étalai jamais le désordre. Mais ce thème est prématuré. Je me liais peu, non que je ne trouvasse dans le voisinage d'excellents camarades, susceptibles de devenir des amis, mais mon passé, cuisant encore, m'imposait une réserve dont je ne me départis que très tard. Une excessive timidité, jointe à la gêne enfantine que me causait un accent de province, faisait le reste. Jamais je ne refusais ma main, non plus qu'un service, mais quelque chose de mon air coupait les élans, et les sympathies se lassaient vite au contact de ma froideur. Je fus ainsi bientôt le contraire de ce qu'on appelle un causeur. Et, sitôt finies les prolixités de la première adolescence, je me renfermai dans le mutisme et pris l'habitude d'écouter beaucoup et de m'aventurer le moins possible, surtout quand le sujet m'était cher. Si le hasard voulait qu'un tel sujet se trouvât sur le terrain, je me sentais pris d'un trouble extrême. Je cédais aux moindres raisons, et, pour donner le change, alors, et garder quelques figures, je me lançais dans de faciles plaisanteries sur les thèmes les plus divers et les moins opportuns. On en riait parfois, j'insistais, et, caché sous ce voile ténu, j'arrivais tant bien que mal à sauver ma pudeur. Au fond, je n'eus de passion réelle que pour les arts. Théoriquement, j'en étais assez averti. J'avais beaucoup de lectures, mais ne connaissais de chefs-d'œuvre que par ouï-dire. Le Louvre me fut un éblouissement, et les jours que j'y passais furent des meilleurs et des plus nourris de mon existence. Bien que n'ayant aucune disposition pour le dessin, je ne fus jamais capable de donner un sens à un trait, je goûtais l'œuvre d'art et l'apercevais avec justesse, quelle que fût son époque ou son origine. Je n'y arrivais, bien sûr, pas du premier coup, mais mes progrès furent rapides, et je pus, je le constatai plus tard, m'en entretenir avec agrément, même dans les milieux d'artistes, qui sont, quoi qu'on prétende, ceux où l'on en parle le mieux. D'instinct, mes préférences allaient aux écoles sévères et de grand goût, mais j'avais pour la sculpture une prédilection particulière. Voir s'accrocher la lumière et tourner l'ombre sur un bloc de marbre est une jouissance dont mes yeux ne se lassèrent jamais et que mes mains achevaient avec volupté. Je raffinais très vite. Certains fragments, n'offrissent-ils qu'un vestige de surface, avaient pour moi pleine signification, et cela à tel point qu'il m'arriva, étant en vacances, de ramasser des cailloux sur les plages et de les garder des heures dans ma poche où mes doigts en caressaient les contours. En peinture, Holbein et Léonard furent mes premières idoles. Le côté volontaire et pénétrant de leur art concordait trop avec mes tendances personnelles pour qu'il en pût être autrement. Je fus plus rebelle aux grands coloristes. Véronèse et le Titien gênaient en moi une sensibilité qu'avait déformée trop de principes. Je ne désarmai que plus tard, mais leur cédai pleinement alors, tout heureux d'être conquis. Rubens, lui, m'épouvanta toujours. Jamais je ne puis déterminer les dimensions de ce génie qui déborde sur vous comme un drap trop grand et vous empêtre. Van Dyck me déplut. Rembrandt me prit le dernier, alors que je fus mieux averti des choses et plus conscient aussi des ressources d'un métier que j'ignorais. Au moderne, je trouvais moins d'attrait. Cela tint sans doute à quelque infirmité de mon jugement, mais je goûtais peu le décousu de leur tendance, et mon besoin de clarté se rebella souvent à la vue d'œuvres où la multiplicité des recherches m'apparaissait comme un désordre calculé. Depuis, j'ai mieux senti l'efficacité de tant d'efforts. Le beau métier de Delacroix, son ardeur à la fois maladive et puissante, les probes et douloureux paysages de Rousseau, les merveilleuses harmonies de Corot, si naïvement subtiles, me valurent des émotions délicieuses et des sens toutes nouvelles. Je dégustais la matière de certains Courbets, et rien, plus que la façon dont Ingres enserre la forme de son trait, ne m'a fait subir la tiédeur d'un corps de femme et le poids d'un sein. Je mis à ses ferveurs tout l'enthousiasme de mon âge. Malheureusement, je ne pouvais guère y consacrer que le dimanche, et encore la matinée seulement, car les après-midi furent bientôt requises par les concerts, à quoi je m'adonnais avec une passion non moindre. Là encore, mes goûts me portèrent au style. Je pénétrai Gluck de plein pied, et, pris au tracé de sa mélodie, un plaisir qui ne s'est jamais démenti. Ainsi passèrent 5 ou 6 années, desquelles aucun souvenir déplaisant ne demeure. Elles furent courtes et ne devaient pas connaître de suivante. Je dois toutefois convenir que, durant les jours sombres qui m'advinrent, l'art fut mon unique et plus sûre consolation. À pratiquer ainsi les œuvres, la curiosité me vint un beau jour de connaître aussi les artistes. J'ignorais tout de leur existence et de leur méthode, et, l'imagination aidant, je m'en faisais une idée à la fois excessive et incomplète. En joindre n'était pas difficile. J'avais, à ma porte même, un petit café que plusieurs fréquentaient. Je pris l'habitude de m'y rendre, mais fus tout d'abord interloqué par la bande de Toulousains sur quoi je tombai. Ils étaient là une 12 de gaillards poilus et débraillés, dont les allures et les propos n'étaient guère tentants. Je ne voulus pas rester sur une impression aussi superficielle, et je m'insinuai dans leur conversation. Ils m'y reçurent avec une bonne familiarité d'ouvriers qui ont en poche leur quinzaine, et j'y répondis de mon mieux. Je perçus bientôt l'écart qui séparait nos natures. La leur, toute d'expansion et de vaillance. La mienne, étriquée, timide et honteuse vaguement. 4 étaient sculpteurs, 2 peintre et le dernier architecte. L'aîné n'avait pas plus de 25 ans. Nous n'échangeâmes tout d'abord que des propos vagues, mais entre jeunes gens, les thèmes à discussion ne manquent jamais. Aussi, gagné par la chaleur du milieu, me laissais-je aller à leur exposer quelques-unes des théories qui m'étaient le plus chères. À d'imperceptibles sourires, je devinais qu'elles n'avaient point l'heure de plaire. Évidemment, je retardai, mais on ne me le fit pas trop sentir, et je fus, moi, sensible à la délicatesse. La discrétion et le tact avec lequel on fit des objections me rassurèrent tout à fait sur l'éducation et la qualité d'esprit de mes contradicteurs. J'avais, malgré leur apparence, affaire à des raffinés qui, dès qu'une pensée généreuse était dans l'air, savaient se tenir et faisaient montre de gentilhommerie. Je ne voulus pas demeurer en reste, et je mis toute la modestie possible à mes propos. Je n'avais d'ailleurs pas à émettre de prétentions et sus m'en garder. La conversation tomba sur une exposition alors ouverte à laquelle tous ou presque avaient participé. J'y étais allé quelques jours auparavant et n'en avais pas ressenti grande impression, quel que fût mon bon vouloir et mes efforts. Aussi abordai-je le sujet avec une prudence qui se devine. J'usai de tous les euphémismes, mais ne déguisai point la gêne que ces œuvres m'avaient causée. Je ne leur reconnaissais ni agrément de couleur, ni sens de la ligne, ni signification plastique. Or, étant donné l'intransigeance de mes conceptions, l'absence d'une seule de ces qualités suffisait à retirer à l'œuvre toute valeur. Nous discutâmes longuement, et point n'est nécessaire de relater ici nos arguties. Je me défendis de mon mieux, mais ces messieurs avaient beau jeu à me confondre, et n'y manquèrent pas. Un, particulièrement, un sculpteur nommé Mingrel, qui parlait d'abondance et soulignait chacun de ses mots d'un geste identique du pouce, comme s'il le voulait modeler, m'écrasa du bruit de ses raisons et me réduisit au silence sans me convaincre. Il parlait des droits imprescriptibles de l'artiste, des conventions, de l'institut et de la beauté, sur un ton qui me le rendit presque aussi antipathique que ses idées. Je le jugeai sans talent, ce qui ne l'empêcha pas de faire une brillante carrière et de rafler chaque année tous les honneurs et commandes disponibles, tant en province qu'à Paris. Un autre, sculpteur aussi, mais de race plus fine, mêla quelques propos au tohu-bohu de nos paroles, et j'en notai l'élégance au passage. C'était un grand garçon assez maigre et d'aspect délicat. La pointe fine d'une barbiche noire allongeait l'ovale de son masque que dorait le regard de deux beaux yeux doux. Il se nommait Darnac, et ses façons révélaient un homme polissé. Je vis à son doigt brillait l'écu d'une chevalière, et, bien qu'un tuyau de pipe émergeât de son veston, il avait de la tenue, du linge et des ongles soignés. Malgré certaines réserves, je compris qu'il n'était pas hostile à mes vues, et qu'il appréciait comme moi la belle discipline des grandes époques. À son confrère, qui invoquait les principes et parlait de liberté comme un fonctionnaire à des comices, il opposa que, selon lui, la liberté, liberté d'expression s'entend, était peut-être une bonne condition de travail pour l'artiste, mais pas une condition essentielle du tout. Le prouver n'était pas difficile, mais au premier mot l'autre haussa la voix, tonnant contre l'école des beaux-arts et les pompiers, si bien que, du geste et non sans hauteur, Darnac l'invita au silence, lui jetant pour pâture un « vous avez raison » qui remplit d'aise ce fâcheux et me plut à moi infiniment. J'affectai dès lors de le prendre pour interlocuteur, et je sentis que nous nous reverrions avec plaisir. La conversation n'avait rien de général, en sorte que je ne risquais de blesser personne. C'était plutôt un échange d'aperçus lancés au petit bonheur entre deux bouffées et sans réflexion. Cependant, pour ne rien presser et obéissant aux lois qui me firent toujours agir de même, j'évitais de venir de toute une semaine au petit café, puis un jour j'y rentrai, feignant une grande surprise à voir Darnac assis devant un boc. Après quelques banalités de forme, il me questionna sur mes études et sur l'intérêt que j'y pouvais prendre. Je saisis l'occasion et lui fis du droit romain un panégyrique qui le stupéfia. Je craignais en effet que, sur le chapitre Beaux-Arts, mon infériorité ne s'accusât, et j'avais la coquetterie de me faire valoir. C'était pur enfantillage, et j'ai gardé ce travers de me mettre en frais pour conquérir les hommes, alors qu'auprès des femmes, j'étais très vite sans moyens. Nous effleurâmes ainsi divers sujets, et je fis en sorte qu'il n'eût pas de moi trop mauvaise impression. Emporté par ma sympathie, j'aurais volontiers prolongé la soirée, d'autant que par bonheur aucun de ses camarades n'était venu, lorsque, toujours possédé par l'esprit singulier que j'ai dit, je saisis l'instant qu'il me parlait, avec une gentillesse particulière, pour briser la conversation et prendre mon chapeau. Il en parut surpris, nous nous serrâmes la main, et je partis. Dehors, je me trouvais tout décontenancé dans le froid, et, n'ayant rien de mieux à faire après ma sottise, je gagnai mon lit d'assez méchante humeur. De nouveau, je restai plusieurs jours sans le voir. Lorsque je passai devant la porte du café, j'affectai d'y jeter un coup d'œil, et, sitôt certain de la présence de Darnac, qu'il fût seul ou accompagné, un mouvement invincible m'emportait ailleurs. Je me sentais pris pour ce garçon d'un goût très vif, et rien ne m'eût plus comblé que sa compagnie. C'est précisément ce qui fit que je l'évitai. Un jour, même, son œil surprit le mien, alors que je regardais à travers les vitres de l'établissement, et je le vis manifester un étonnement si heureux que je me sauvai, comme si j'eusse été pris en flagrant délit de mauvaise action. Je retournai visiter la petite exposition et y cherchai son envoi. C'était un bas-relief, représentant, grandeur nature, une tête de femme, vue de trois quarts et assez fort inclinée. Le haut du crâne, faisant saillie, couvrait la joue d'une ombre dont je ressentis la mesure. En dessous, l'épaule mettait un accent de lumière, souligné par quelques indications de linge, assez sommaire, mais dont l'inachevé faisait valoir la grâce plus assouplie des chairs. La vague d'un sein fuyait en se mourant dans le fond, sans que, à l'encontre de tant de ses collègues, l'auteur y eût insisté. Je lui en fus reconnaissant, et aussi d'avoir conçu son travail d'un bloc, de façon que les plans et les dimensions fussent d'abord perceptibles et expressifs par le jeu simple des lumières. J'étais vraiment en présence d'une œuvre de plastique pure, et qui n'agissait sur l'esprit que par sa forme, ses volumes et son calibre. Je constatai tout cela avec un plaisir absolu, et du même coup, combien nos sentiments dominent vite notre raison. J'avais 15 jours plus tôt tourné autour de ce plâtre sans en être ému plus que par un quelconque de ses voisins. Depuis, le hasard m'avait fait rencontrer l'auteur, et, le charme de sa personne agissant, je découvrais à ses moindres intentions des buts et un sens qui me ravissaient. Toutefois, une inquiétude me vint. Je voulus connaître le titre et chercher au catalogue. J'appréhendais quelque sensiblerie, rêverie, extase ou autre banalité. Je fis vite rassurer par la simple dénomination « étude ». J'étais fixé. J'achevai ma visite et jetai un coup d'œil au reste des sculptures étoiles exposées. Aucune n'accrocha mon désir, et je me dirigeai vers la porte lorsqu'une main s'abattit sur mon épaule. « Eh bien, on vous y prend !» C'était Darnac lui-même, accompagné de deux amis, Mingrel et un autre. Je me sentis rougir et balbutier de vagues choses qui ressemblaient à des excuses. « Je vous garde, » me dit-il. « Allons, vous allez nous dire ce que vous pensez de nos produits. » Et, passant son bras sous le mien, il fit le geste de me ramener dans la salle. Son contact augmenta mon trouble. Je me vis tout près d'être ridicule. Pour y parer, je me dégageai doucement et prétextai un rendez-vous. Il insista. J'en fis autant. « Dommage, » fit-il. Je m'excusai encore et nous nous quittâmes. Je n'avais pas le dos tourné que je regrettais ma sottise. Je songeai même à rebrousser chemin, à courir à Darnac, à lui dire tout haut combien j'aimais et sentais son œuvre, sa personne et son talent. Mais n'en fis rien, bien entendu. Au contraire, je partis à l'opposé et pressai même le pas, comme si j'eusse craint que l'on m'en poursuivît. À réfléchir, mon cas était assez analogue à celui des amoureux timides qui errent sous les fenêtres, ramassent des bouquets, collectionnent les vieux gants, mais s'effondrent à la pensée que l'objet de leurs vœux pourrait le savoir. À quelques mois de là, je fus rappelé brusquement dans ma famille. Le ton de la dépêche ne laissait guère d'illusion. Je devinais qu'il s'agissait de ma mère, dont la santé perdue ne se maintenait depuis fort longtemps qu'à force de soins. Je bouclai ma valise et n'arrivai que trop juste, hélas, pour être témoin d'une agonie. Par bonheur, elle fut courte, et de tant de douleurs, j'évitai au moins celle d'assister à ses souffrances. Je passai 10 jours funèbres dans cette ville élue par la mort, et les rares sorties que j'y fis n'éveillèrent en moi que d'amers souvenirs. Je revis les 3 fenêtres d'Hubertin, mais elles étaient emplies par le chant d'une voix étrangère. Je revis la mouline, le petit mur et la place exacte. Je revis la galerie de Musso, toujours aussi noire et délabrée. Parmi des linges qui séchaient, je vis luire les cheveux blonds d'une jeune fille. La petite place me parut rétrécie. Le kiosque avait disparu, le vieil homme aussi. J'allai au Verdon et fus étonné de le trouver si près. 2 belles maisons blanches à 4 étages se carraient à l'endroit où jadis nous tirions nos plans de campagne. Des êtres inconnus circulaient, parlant haut, comme s'ils eussent été chez eux. Mon père avait cédé son commerce l'année d'avant. Je ne reconnus plus la boutique. Les 3 antiques arcades avaient fondu en une seule, où, derrière une glace de 5 mètres, un amas de produits allemands au nom barbare remplaçait les si belles couleurs d'autrefois. La devanture était repeinte. Par la porte entr'ouverte, je jetai un regard à l'intérieur. D'un comptoir chargé de fioles, un monsieur se détacha et vint au jour. Sa face ne m'évoqua rien. Nous nous regardâmes sans nous comprendre. Le voisinage était bouleversé. Un grand café plein de bruit remplaçait à lui seul le pharmacien, le bottier et le confiseur chez qui je plaçais mes économies. À l'angle de la rue Meunière, j'hésitais, perdu devant des démolitions. Mon père avait beaucoup vieilli. Je le remis aux soins d'une sœur qui l'avait. Elle vint prendre la place de ma mère et lui maintint de la sorte une apparence de foyer. Je le quittai néanmoins dans d'assez tristes dispositions, mais il ne tenta pas de me retenir. Sans doute, comme beaucoup de gens âgés, préférait-il vivre de ses souvenirs et les garder intacts dans leur cache. La présence d'un autre les eût altérés. Or, 6 années d'éloignement m'avaient rendu presque étrangère à ses yeux. Je sentis la nuance. D'ailleurs, j'avais ma tâche et mes obligations. Je revins donc à Paris après ce lamentable entracte. Un peu de bien que m'avait laissé ma mère me permit de prendre un logement moins exigu. Je le choisis rue de Verneuil, dans l'aile d'un ancien hôtel. J'eus ainsi 2 pièces et 1 cabinet dont les fenêtres donnaient sur les restes splendides d'un jardin. Au printemps, un tilleul centenaire s'y balançait à frôler mes persiennes et les oiseaux venaient jusqu'à ma table de travail. Ce changement m'éloigna de mon ancien quartier et fit que les occasions de rencontrer Darnac deviendraient plus rares. Je l'avais revu presque dès mon retour, et son accueil m'avait touché. Je le mis au courant de mes projets et le conduisis voir mon logis avant de conclure. Il en fut enthousiasmé et m'engagea vivement à ne point sursoir. Nous passâmes 1 heure ensemble, et ce fut assez pour qu'il achevât de me conquérir. Il me fit promettre d'aller à son atelier, et je m'y engageai. J'en brûlais d'envie, mais pour rien au monde ne l'eusse osé faire de mon chef. Ainsi je me trouvais obligé, et tout de suite voulus prendre jour. Nous convînmes du mardi d'après. Mes études proprement dites étaient terminées. Je les avais fait durer plus que le temps légitime et m'étais, en les poursuivant, un peu meublé l'esprit. Il fallait néanmoins prévoir l'avenir et chercher à mon activité des directions précises. Le droit strict et ses applications avaient cessé de me plaire. Je ne me sentais aucune aptitude à devenir juriste, et les incursions que je fis dans le domaine des arts portèrent à ce goût chancelant le coup définitif. Malheureusement, bien que ma nouvelle situation m'eût donné quelque indépendance, l'appoint n'en était pas tel qu'il me fût permis de négliger les questions pratiques. Je dus donc me mettre en quête d'un emploi. J'avais toujours envisagé qu'il me deviendrait nécessaire de gagner ma vie, mais n'avais jamais mis à l'examen de cette idée qu'une sorte d'attention vague et les générosités que je devais aux miens n'y étaient pas un stimulant bien vif. Je vis donc avec un esprit plutôt maussade surgir cette obligation. À tout hasard, je résolus de demander conseil à Darnac. Donc, au jour dit, je gagnai son atelier. Je le trouvai tel qu'on pouvait l'attendre de cet artiste et de son goût, c'est-à-dire fort simple. Malheureusement, dès l'entrée, je vis que je n'y serais pas seul, et j'en ressentis un gros désappointement. 2 personnes étaient là, paraissant intime avec Darnac qui leur faisait les honneurs. Cela suffit pour que mes dispositions se modifiassent tellement que je répondis à peine à son salut. Il me présenta, mais c'est tout juste si je dévisageais les gens, un monsieur et une dame, qui, du reste, partirent peu d'instants après mon entrée. Je n'en cachai point ma satisfaction, et peut-être l'exprimai-je trop. Mais, par un travers naturel, je me sentais, vis-à-vis de Darnac, porté à d'autant plus de familiarité que j'avais mis de sauvagerie au premier contact. Je me livrai à lui d'abondance, et sans percevoir ce que de tels écarts pouvaient faire supposer. Il fut exquis néanmoins et me reçut avec une grâce parfaite. Je vis divers morceaux qui augmentèrent encore l'estime que j'avais pour son talent, je le lui dis, mais, afin de bien noter le sens que je comptais donner à nos relations, j'aventurai quelques critiques et les fis porter sur les questions d'esthétique générale, plus encore que sur celles de métier. Ce fut un sujet qui nous entraîna promptement. Au cours de la discussion, Darnac, un peu échauffé, me mit en présence d'une terre qu'il tenait cachée dans ses langes, à l'abri d'un rideau. J'exultai à la pensée qu'il la découvrait pour moi seul, et que ses visiteurs ne l'avaient pas vue, d'autant que par son importance, elle dépassait tout ce que je connaissais de lui. Je sentis aussi qu'il ne conviendrait pas d'en parler hâtivement. Après donc avoir bien tourné tout autour, j'exprimai le désir de la revoir une autre fois, afin, dis-je, de bien affirmer l'impression que j'en avais et sur laquelle je voulais réfléchir. La vérité est que j'avais été saisi du premier coup, et de la façon qui ne trompe pas, mais pour que mes avis prissent poids, je croyais habile de les faire désirer. Voilà du moins comment j'interprète les faits à distance. Peut-être n'est-ce pas tout à fait exact, et faudrait-il voir dans ma conduite une manifestation de cette réserve peureuse dont j'ai parlé et qui me décontenança toujours lorsque j'avais à m'exprimer sur une question qui me tenait aux entrailles. De fil en aiguille, j'exposai mes soucis à Darnac. « Pourquoi n'écrivez-vous pas ? » me dit-il. Rien n'eût pu m'être plus agréable que sa suggestion. Non que je l'attendisse, mais très au fond je crois bien que je l'espérais. Cependant, et non pas seulement pour la forme, je me récusai, protestant de mon indignité. « Bah, dit-il, tout le monde écrit, et tout le monde n'a pas des idées comme les vôtres. » Je lui fis valoir que ce qu'il nommait « mes idées » constituait un faible capital, sans intérêt pour personne, et bien incapable, en tout cas, de me fournir des revenus. « Qui sait ? » dit-il, et brusquement, « Pourquoi diable avez-vous fait cette tête lorsque je vous ai présenté à Montesac ? Il est directeur d'une revue où vous pourriez facilement caser de la copie. Ça vous dégrossirait toujours en attendant mieux. Quelle revue ? Le Parthénon, vous connaissez ? Je crois bien. Ah, ça peut s'arranger. D'ailleurs, tout s'arrange. Je m'en occuperai. Comment trouvez-vous sa femme ? Des épaules, je fis signe que je n'en savais rien. Bien jolie. Et bien intelligente. Je dus avouer que je ne l'avais pas regardée. Au fond, c'est elle qui mène les affaires de son mari. Dites donc, reprit-il, fabriquez-moi quelque chose sur l'art, quelque chose de pas trop long, je le lui remettrai. De nouveau, j'esquissai de timides réserves. Oh, ça ne vous rapportera pas lourd, rassurez-vous, Mais c'est une excellente entrée en matière. J'appuierai. Si je dis à Montessac de marcher, il marchera, entendu ? Le brave garçon y mit tant de chaleur que j'acquiesçai. Je m'engageai à lui livrer le manuscrit la quinzaine suivante. Nous causâmes encore quelque peu, puis je le quittai, la cervelle en travail d'un sujet. Après beaucoup d'indécisions, je choisis celui de la sensualité exprimée par le trait. J'avais observé, au cours de maintes discussions, que les peintres, et même les sculpteurs, semblaient dénier à la ligne toute valeur autre qu'évocatrice de silhouette architecturale par conséquent. Selon eux, la couleur, en donnant aux objets ou êtres représentés leur qualité de substance et leur pulpe, avait seul pouvoir d'éveiller le désir des sens. Comme si le fléchissement d'une hanche ou d'un sein n'était pas aussi suggestif en son strict contour que les nuances, fussent-elles infinies, de la peau. J'entrepris d'exposer la chose et l'appuyai d'exemple définitif, ce qui me conduisit à pondre une trentaine de pages dont je ne fus pas trop mécontent. Je les polis, lus et relus un nombre invraisemblable de fois, puis, un peu ému tout de même, je m'acheminai chez Darnac, mon rouleau sous le bras. Je frappai à sa porte. Au lieu d'ouvrir directement, je l'entendis demander qui j'étais. Je dis mon nom, il me fit entrer, et je compris sa précaution. Le modèle posé, une jolie fille aux formes graciles dont la blancheur illuminait la pièce. Je fis mine de battre en retraite. Darnac me rassura. « Ça ne fait rien, » dit-il. Et au modèle, « Monsieur est artiste. » Ce qui n'alla pas sans me flatter un peu. « Vous avez l'affaire ?» Je montrai mon paquet. « Content ?»« Peu. Nous allons voir ça. Travaillez, travaillez, lui dis-je. Je ne voudrais pour rien au monde vous déranger. » Et j'allai m'asseoir à l'écart. Darnac continua quelques minutes, puis, satisfait sans doute, suspendit la séance. Le modèle était juché sur une table assez élevée. Pour en descendre, il fallait une aide, je vis qu'elle la cherchait de l'œil. J'étais à portée. Par un mouvement bien compréhensible, je lui tendis la main. Ses jolis yeux d'animal doux me remercièrent d'un clin charmant, mais, par inadvertance, elle manqua l'appui. Je tentai de la rattraper et la manquai à mon tour. Bref, elle tomba, et si affreusement, que son pauvre corps nu s'en vint donner en plein sur le poil rougi. Elle poussa un horrible cri. Sa chair grésilla, tandis qu'en l'air montait une fumée nauséeuse. Un instant, elle parut comme soudée au fer. Puis, cédant au poids, elle s'en détacha et roula inanimée sur le sol. Je restai stupide. La soudaineté, la folie d'une telle chose m'ôtait tout moyen. Darnac, se précipitant, fit que je me ressaisis. À nous deux, nous ramassâmes la malheureuse et l'étendîmes sur un canapé. Je ne sais trop de quel secours je pus être, et, dans ce désarroi, fus au-dessous de moi-même. J'errai de ci, de là, encombrant Darnac de ma maladresse et de ma personne. Il y coupa court un peu sèchement. « Cherchez une voiture, voulez-vous ? Je vois qu'elle ne reprend pas connaissance. Nous allons la conduire à Necker, où j'ai des amis. » Je saisis l'occasion, heureux d'échapper au moins par la vue à ce cauchemar. Quelques instants après, nous sonnions à la porte de l'hôpital. Vu l'urgence, la pauvre enfant fut admise sans formalité. Nous l'avions tant bien que mal roulée dans des couvertures, et tout le long du trajet, sa tête ballotta sur mes genoux. Nous la remîmes aux soins d'un interne, et, notre présence n'ayant plus d'objet, regagnâmes l'atelier. Je restai muet durant le parcours, et mon silence concordait trop avec la situation pour qu'il pût être pris à mal. À Darnac, la hantise de ce drame pesait aussi. Nous cheminâmes tous deux le cœur serré. Je comptais donc une victime de plus, car pas une seconde je ne doutais que ce malheur ne fût dû à mon fatal pouvoir, et ce constat m'enlevait la raison. La funèbre liste s'allongeait. Inconsciemment j'évoquais ce martyrologue, et des limbes où dormaient leurs souvenirs ressurgirent de pâles figures. Vincent, j'ai senti ta main là. Hubertin, le cercueil de Musso, sa mère. Comment s'appelle-t-elle? Dis-je pour parler. Jeanne Bargueil, répondit Darnac, comme si lui aussi sortait d'un songe. Elle a des parents? Une mère, je l'aviserai. Elle est honnête? Très. Je ne sais par quelle étourderie je fis une aussi sotte question. Le ton de Darnac m'en souligna l'inconvenance. Je tentai de me rattraper gauchement. Il y a des jours calamiteux, lui dis-je, c'est à pleurer. Que voulez-vous? À bientôt. Il me tendit deux doigts et nous nous quittâmes. La nuit d'après, j'eus peine à trouver le sommeil, et jusqu'à l'aube, je m'agitai sur l'oreiller. À peine debout, je courus à l'hôpital, aux nouvelles, mais personne ne sut m'en donner, et l'entrée, ce jour-là n'était pas jour d'admission, me fut refusée. Je revins chez moi tourmenté des pires inquiétudes. On m'y remit un mot assez bref de Darnac, disant qu'après lecture de mon manuscrit, trouvé sur une chaise, il l'avait remis à Montessac et que j'aurais réponse incessamment. Pas de commentaire, sauf, en post-scriptum, l'avis qu'il comptait se rendre à l'hôpital le lendemain et serait heureux de m'y rencontrer. Je fis provision de fleurs et de gâteaux et fus exact au rendez-vous. Darnac n'y était pas. La petite, immobile sur sa couche, les yeux clos, les lèvres entr'ouvertes et comme vernies par la fièvre, haletait sans rien voir. À son chevet, une forme noire, en qui je devinais la mère, se leva. Nous échangeâmes quelques mots de circonstance, tous deux malhabiles et fort embarrassés. Une infirmière survint aussitôt, qui nous pria d'éviter toute conversation et d'écourter notre visite. La mère se rassit et sa maigre silhouette se fixa de nouveau sur le carré blanc de la fenêtre. Son visage était un trou d'ombre où, de temps à autre, montait, gantée de filoselle, une main crispée sur un mouchoir. Je m'installai de l'autre côté, après avoir disposé mon offrande. Puis, gêné par l'étrangeté du cadre, je m'immobilisai à mon tour, et nous demeurâmes en présence, étrangers et sans plus mot dire. Dans la longue salle mangée de lumière, les couchettes s'alignaient avec une rectitude glaciale et militaire. Aucune n'était vide, et presque toutes avaient, penchées à leur creux, les dos sombres de parents ou d'amis. De certaines jaillissaient parfois des rires, qu'un « chut » énergique, faisaient aussitôt taire. D'autres étaient mornes, sans personne autour. Vers une, dans laquelle râlait une phtisique, le père, sanglotant, poussa de force deux galopins qui ne voulaient pas. On dut expulser un ivrogne qui menaçait sa femme et lui réclamait de l'argent. Je compris l'effroi traditionnel que l'hôpital inspire aux pauvres et me disposais à partir quand d'arnaque survint. Il s'excusa de son retard, puis salua la mère, lui exprima sa sympathie et se mit à son entière disposition pour tout ce qu'il faudrait. Je devinai plutôt que je n'entendis, tant il mit de discrétion à ses offres, et j'admirai la façon dont il se tira d'un pas si difficultueux. La petite dormait toujours, et de ce sommeil étrange, la surveillante nous donna la raison. On l'avait littéralement bourrée d'opium, seul moyen de calmer un peu des douleurs insoutenables. En deux mots, elle nous mit au courant. Le haut du bras gauche, à partir du coude brûlé au deuxième degré, n'était plus qu'une ampoule. Le derme de la hanche, d'une partie du ventre et de la cuisse, plus sérieusement atteint, avait par endroits disparu et les marques seraient indélébiles. Quant au sein, qui, portant le premier, avait le plus souffert, l'aspect en était effroyable. De la douce fleur rose et des chairs si tendres, ne subsistait plus qu'une masse informe et boursouflée, une sorte de magma visqueux, à peine maintenu par les gaz du pansement. Des suites, on ne pouvait rien dire encore, et le docteur ne s'était pas prononcé. Nous joignîmes nos prières pour que les soins ne fussent pas marchandés, et Darnac se réclama de l'interne son ami, ce qui fit grand effet. De mon côté, j'avisai la fille de salle, et, pour aider à mes recommandations, lui glissai 10 francs dans la main. Sur quoi, n'ayant plus que faire, nous nous en allâmes, et plus émus que nous ne le voulions paraître. Le dimanche d'après, je revins à l'hôpital, envahi cette fois par la foule des petites gens. La salle avait un vague air de fête et les fleurs abondaient. Je déposai les miennes et la blessée, tournant vers moi sa maigre figure où battait la fièvre, fit l'effort d'un sourire. Elle tenta même de parler. Je l'en retins, elle céda très vite. Je m'efforçai de l'encourager. Les mots tremblaient à mes lèvres et prenaient tous, quoi que j'y fisse, la forme implorante d'un pardon. Bientôt ses yeux se fermèrent. J'interrompis ma phrase et me rassis, inutile, à son chevet. Au bout d'un temps, la surveillante vint me dire que déjà la mère et M. Darnac étaient venus et, respectueux du sommeil de la malade, de suite repartit. Je ne pouvais mieux faire que de les imiter, et m'en aller après avoir obtenu quelques renseignements, moins bons, hélas, que je l'eusse voulu. Les brûlures du bras étaient en voie de guérison, celles de la hanche aussi, mais des parties en restaient ouvertes, dont la suppuration ne cessait pas. On craignait toujours l'infection et la fièvre demeurait inquiétante. Quant au sein, il était perdu sans espoir. En tout cas, la vie de la malade ne semblait pas en danger. « À moins que… » ajouta la surveillante d'un ton qui raviva mes craintes. Je rentrai quelque peu rassurée et pris l'habitude de venir tous les jours ouvrables. Entre-temps, Je vivais dans l'appréhension si bien que la vue de Jeanne, de ses plaies et de ses douleurs, devint une rémitence et presque un soulagement. J'étais d'heure en heure plus pénétré de cette foi qu'en moi résidait un principe de mort, que je portais la mort dans mes yeux et la répandais aux alentours. Les faits ne justifiant que trop de tels égarements, aucun effort de volonté ne pouvait m'en distraire, et le spectacle de la malheureuse y apportait une espèce de certitude que j'estimais, en l'état, préférable à tant d'angoisses solitaires. Je ne m'abandonnais pas sans lutte, et toutes les raisons auxquelles put s'accrocher ma faiblesse furent invoquées. Une fois de plus, j'essayai de ne voir en ce drame que la fatalité des coïncidences. J'en reconstituai les phrases, je me cherchai des justifications et finis à force par m'en trouver. Au fond, je plaidais coupable et mendiais les circonstances atténuantes. Par ailleurs, ma vie n'était pas changée. Je vaquais à mes habitudes et rien n'eût trahi mon secret, si ce n'est une propension de plus en plus marquée à la retraite et au silence. On se méprit sur la cause et j'y aidai. Les interprétations les plus ridicules furent imaginées et je n'en démentis aucune. Je fus bientôt qualifié d'ours et on me délaissa. Dans cet esprit, j'avais cessé de voir d'arnaque, et le mal que j'en ressentis me fut doux comme une mortification nécessaire. J'avais une peine de plus. Je pris un plaisir morbide à la joindre aux autres, à les conjuguer et à m'en repaître. Je me considérais comme l'élu du malheur et son représentant sur terre. D'excès en excès, même, j'en vins à être jaloux des misères d'autrui. Cet état dura plusieurs semaines, et je n'envisageais pas qu'il dût prendre fin, quand un soir je reçus ce mot. « Mon cher, puisqu'on ne vous voit plus, voici. Montessac prend l'article et le fera passer au prochain numéro. Allez le voir et tâchez de vous entendre. » Il m'a paru bien disposé. Profitez-en. Votre Darnac.